Actualité, page 3. La commission accessibilité. La commission accessibilité de la ville de Château-Gontier, à l'origine du projet de mise en place du journal audio, est notamment composée des représentants de la commune, d'associations d'usagers et d'associations représentant les personnes handicapées. Il s'agit d'une instance d'animation, de concertation et de bilan visant à proposer des améliorations de l'accessibilité de l'existant. C'est également un lieu de suivi, d'observation et d'expertise. La conseillère municipale déléguée à cette question est Myriam Métiba. Un journal à écouter. Afin de permettre à tous les publics de rester informés, la ville de Château-Gontier-Bazouges a mis en place une version audio de son journal municipal, réalisée en partenariat avec la Bibliothèque sonore de Segré. L'année 2015 aura permis à notre magazine municipal de devenir plus accessible. Grâce au travail mené avec la Bibliothèque sonore de Segré et ses donneurs de voix, les personnes empêchées de lire peuvent aujourd'hui écouter le journal municipal. La Bibliothèque sonore de Segré, créée en 1977, a pour objectif de faire enregistrer par des donneurs de voix qu'elle forme des livres ou des revues qui peuvent être écoutés par des personnes atteintes de déficiences visuelles ou physiques ne leur permettant plus de lire. La version audio du journal municipal de Château-Gontier-Bazouges a été lancée avec le numéro de printemps 2015 et se poursuit avec celui-ci. Pour chaque numéro, le journal est découpé en différentes parties correspondant aux différents sujets traités. Chaque partie devient ainsi une piste de lecture. Par conséquent, l'audiolecteur a la possibilité soit d'écouter l'ensemble du journal, soit de sélectionner les articles qui l'intéressent plus particulièrement. Par ailleurs, les donneurs de voix ont fait le choix d'utiliser plusieurs voix différentes, ce qui permet de rompre la monotonie. Enfin, afin que l'ensemble du contenu soit accessible, et pas seulement le texte, les images sont également décrites dans la version audio. Un journal accessible via de nombreux supports. La version audio du journal municipal est accessible à tous. Elle est disponible via différents canaux. Ainsi, un lecteur multimédia est disponible sur le site internet de la ville, rubrique « Publications ». Pour les visiteurs de la médiathèque, une version est également proposée à l'écoute. Enfin, les personnes souhaitant disposer du CD peuvent en faire la demande auprès du service communication de la ville. Cet article est illustré par la photo d'une jeune femme qui, casque sur les oreilles, écoute le magazine municipal de Château-Gontier.